C'était Pemulwuy. Ça se dit comme ça, Pemulwuy, de James Asher. James Asher, qui est Australien et immigré aux États-Unis. Puis, il se promène partout dans le monde. Musique tribale influencée par bien d'autres. Et c'est pour ça que dans la plupart de ses pièces, on retrouve du didgeridoo parce qu'il est Australien. Eh oui, James Asher. Et juste avant ça, c'était Dolly, la pièce Dolly, avec le groupe 4 étoiles du Congo. Hein, ça part bien, ça met du rythme. Ouais, je dansais tantôt. Ouais, exactement. Et en partant, je voudrais dire bonjour Béatrice. Et parce que je sais qu'elle nous écoute. Ah ah! Il y en a d'autres aussi. Sylvie, Sophie, Joël, Marc, et j'en passe et j'en oublie. Donc, on va continuer en musique, mais avant, je voudrais faire le lien un petit peu. C'est que hier, j'ai été dans un banquet médiéval. Vous allez dire, oh, le lien avec quelle musique? Et c'est la musique qui vient d'Europe. Alors, parce qu'ici, le Moyen-Âge, hein, on revient de l'autre côté. Donc, avec le bois ardent. Et il y en a un comme ça à toutes les années. C'est le festin du bois ardent. Et c'est un groupe qui existe depuis Belle Lurette à Trois-Rivières. Je ne veux pas avancer de date pour ne pas me faire avoir 800 téléphones. Je suis pas trop certain de la date, mais je sais que ça fait déjà un bon bout. C'est un très beau regroupement. Et quand on dit beau, là, c'est chaleureux. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y avait des anglophones hier. On avait même une traductrice. Ah ah! C'est très convivial, c'est très chaleureux. Il y a des protocoles à respecter. Le monde est costumé. On mange comme des cochons. C'est plaisant, c'est très plaisant. Si vous voulez surveiller votre ligne, n'allez pas dans un banquet médiéval parce que on mange, mais on mange très bien. Tout ça pour dire que c'est un regroupement qui existe. Et si ça vous intéresse, des fois, c'est pas très prenant, là. Quelques soirées, au mois d'avril, il y a la soirée des folles qui s'en vient, la fête des folles, F-O-L-S, folles, les fous, la fête des fous, où presque tout est permis. Le mot « presque » est bien placé dans la phrase, là, hein? Et presque tout est permis. Et ça, je vous en reparlerai en temps et lieu. Alors, toujours pour faire le lien avec la médiévosité des mots, on s'en va en Roumanie avec une pièce traditionnelle. Ben, en fin de compte, deux pièces. La première est interprétée par le regroupement Pantare de la Belgique. C'est trois petites pièces, « Itele »,« Djemparele » et « Sirligul ». Je sais, mon roumain est impeccable, je le sais. Donc, ce sont ces trois pièces-là. Et ensuite, avec Taraf de Haiduc, mettant en vedette la belle voix de Roger Manol. Ha ha! Et il y a aussi le Kochani Orchestra qui s'est mêlé à tout ça. C'est la pièce Carolina. Vous allez comprendre lorsque vous allez l'entendre pour ceux qui disent c'est quoi ça Carolina. Alors, on commence avec Pantare et on poursuit avec Taraf de Haiduc. On s'en va en Roumanie. Tambara. Oh, Carolina Tambara. Carolina, par le groupe Taraf de Haiduk. Il y avait aussi avec eux le Cochani Orchestar. Et la voix qu'on entendait, la voix principale du chanteur, c'était Roger Manol. Et je ne sais pas si vous savez, Taraf de Haiduk sont 9. Hein? Cochani Orchestar sont 8. Ça fait 17 personnes sur la scène. Ça, j'aimerais ça voir un spectacle de ça parce que le poil doit nous redresser ses bras quand ça part, rien que une chire, comme dirait l'autre. Ça doit être quelque chose. Juste avant ça, on a entendu les trois très belles pièces, les Itele, Giamparel et Sirligul du collectif Pantare. Ça joue de la flûte, ça, hein? Wouhou! C'était quelque chose. J'ai bien... C'est une de mes pièces. Le groupe Pantare, c'est un de mes groupes préférés dans ma bibliothèque. Parce que toute la musique que vous entendez depuis 9 ans provient de ma bibliothèque. J'ai emprunté une fois un disque ici. Ça a donné comme ça. Parce que la bibliothèque est ouverte dans les heures que je travaille. Alors, je ne peux pas venir. Alors, je me sers de ma bibliothèque, propre bibliothèque, pour faire entendre toute cette belle musique qui vient de partout, de sur cette belle planète-ci. Oui, oui, celle-ci. On va... Avant d'aller à la pause, j'ai le petit dictionnaire inutile mais pratique de Michel Lausière ici. Et je regardais, des fois, je me pose des questions sur la vie comme ça et je me disais, bon, la politique en ce temps-ci, c'est pas chic. Mais je me disais, politique, il doit y avoir politique dans le petit dictionnaire inutile mais pratique. Mais il n'y a pas politique, non. Il y a politicien. Eh oui, politicien, c'est un dirigeant dont la plus grande qualité est d'avoir une vision et le pire défaut, d'avoir des visions. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. On s'en reparle tantôt. Hey! Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa! Makes me wanna smoke crack. M'appelle Marcel Beaupré. Moi, juste pour vous parler du pain de viande ukrainien. Ouais, c'est sûr. Pas tout le monde connaît ça. Mais, je vais vous dire, moi, que ce pain-là, il est bon. C'est pain de viande, il est bon. Et c'est une fraîche odeur de... Le goût aussi qui... Des fois... Le pain ukrainien. C'est du pain de viande de... Où est-ce que ça vient, ça? Du Le pain de viande ukrainien, le bon goût de la Gaspésie. Avec cette fraîche odeur de morue dépassée, fraîche odeur de putréfaction, le pain de viande ukrainien. Un goût de... De quoi, là? Ici Renaud, eh bien, le pain de viande ukrainien. Oh, je ne peux m'en passer. Excusez-la. C'est vieux, c'est vieux. C'est des productions... C'est des productions. C'est vieux. On appelle ça des antipubs. Donc, vous êtes à l'émission Des oreilles pour écouter jusqu'à 19h. Et je sais qu'il y a plein de monde qui nous écoute, que ce soit Béatrice ou Anaïs ou n'importe quel autre, même ma nièce Sarah, qui fait partie du groupe Brady Cardi, qui est en nomination le 13 octobre pour un gala, pour un prix du gala Art Excellence à la TUC. Oui. C'est quelque chose. On n'entend quasiment pas de Brady Cardi puis ils sont en nomination. C'est bon, hein? C'est bien meilleur que ce que je joue tout le temps. Mais, ceci dit, en parlant de spectacle et de ci, de ça, on va aller dans la musique celte. On va aller en Écosse et en Irlande. Et tout ça pour vous amener, pour ceux qui aiment, qui sont amateurs de cette musique-là, au Salon des concerts le 16 octobre. Oui, le 16 octobre, au petit salon des concerts, au 144 de Sienne, le 13 octobre, à 14h, musique traditionnelle celtique et franco-canadienne pour violon, la chanson française et gaélique. Hein? Je recommence, parce que je l'ai écrit comme en colonne. Musique traditionnelle celtique franco-canadienne pour violon. Il va aussi y avoir des chansons françaises et gaéliques. Chanson gaélique, c'est assez spécial. Sur réservation, 819-371-1863. 819-371-1863. Ça met en scène Donna Hébert, Molly Hébert-Wilson au violon. C'est les deux dames au violon. Et Max Cohen à la guitare. Ça devrait être excellent. Tout ça à 14h en après-midi, le 16 octobre. au 144 de Sienne, au salon de concert. Ceci dit, on va aller en écouter de la musique celtique. Oui, oui, oui, on s'en va en Écosse avec le groupe Old Blind Dog qui nous fait une belle pièce, Rolling Home. C'est une belle petite pièce, c'est cute. C'est... Et vous allez, on voit tout de suite, on comprend tout de suite, c'est écossais. On... Même si je ne l'avais pas dit, vous auriez dit, ah, oh, c'est une pièce écossaise. Je suis certain de ça. Et après ça, on va aller faire un petit tour en Irlande et faire trois pièces, un beau petit melting pot de trois pièces. On se réécoute après tout ça. Call all hands to man the capstan. See the cable running clear. Heave around and with the wheel, boys, for our homeland we must steer. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Rolling home to Caledonia, rolling home, dear land to thee. From the pines of California and by Chile's endless strand, we have sailed the world twice over, every port in every land. Rolling home to Caledonia, rolling home, dear land to thee. And to all you blackguard pirates who would chase us from the waves, heed ye well that those who've tried us soon have found their watery grave. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Rolling home to Caledonia, rolling home, dear land to thee. We were boarded in Jamaica, where the Jolly Roger flew. Our swords were hardly drawn, boys, ere they took a rosy hue. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Rolling home to Caledonia, rolling home, dear land to thee. With precious cargo and with bounty coined in gold, and our sweet hearts will rejoice, boys, for they lure their sailors bold. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Caledonia, rolling home, dear land to thee. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Rolling home to Caledonia, rolling home, dear land to thee. sur CFOU 89,1 FM sur le campus de Trois-Rivières avec Michel Deschamps à l'émission Des oreilles pour écouter. Et là, vous allez entendre la pièce « La vie de voyageur ». C'est une pièce traditionnelle arrangée par Stéphane Doyon. D'ailleurs, vous allez entendre au violon et à la voix Yannick Boudreau, à la voix Julie Cossette et Stéphane Doyon à la guitare, pieds et voix. Ça ne veut pas dire que ses pieds ont de la voix, là. Ils jouent des pieds. et ça, c'est tiré de l'album « Contes et chansons de Bûcheron ». Très bel album que j'ai commencé à vous parler la semaine dernière. Je vous ai fait jouer la pièce des Frères Lemay. Là, je vous fais jouer celle du groupe Les Portageux. Donc, la vie de voyageur. Bonne écoute! La compagnie, vous allez m'excuser. Je vais vous chanter une chanson du temps de mon jeune âge où je vivais chez mes parents. Je grandissais dans l'agrément voyant partir tous ces jeunes gens quittant le foyer paternel pour entreprendre la vie de voyageur. Rendu à l'âge de 16 ans, a bien fallu en faire autant. Je dis à ma mère, je pars demain, et je reviendrai dans un an. Le lendemain, les larmes aux yeux, à mes parents, je faisais mes adieux. Je partais seul en ce monde pour entreprendre la vie de voyageur. Rendu au terme de mon voyage, je m'empresse d'écrire à ma mère. Je ne vous en écris pas bien long pour vous donner de mes nouvelles. On va hiverner dans ce chantier, on a quelques piastres de ramasser. Il faut descendre à la ville pour y fêter la vie de voyageur. Mais en arrivant à la ville, jeune homme, approchez-vous du comptoir. Un bon buveur à l'hôtel invite tout son monde à boire. Les quelques piastres sont vite dépensées. Dans une semaine, faudra remonter. La vie s'écoulait comme un rêve, première folie d'un jeune voyageur. Rendu à l'âge de 45, la vie n'est plus de même façon. Les filles nous regardent à peine quand on les salue bien gentiment. On a de la peine à travailler, à tous les soirs on est fatigué. On le regrette mais il est trop tard d'avoir été trop bon voyageur. Qui daignez m'entendre, à votre santé, je me verse à boire. On a tous une chérie en ce monde, et bien qu'elle soit franche et sincère. Prenons un petit coup, ménageons nos sous, aimons les jeunes filles aux yeux doux. Rendus à l'âge de 55, nous serons encore tous bons voyageurs. C'était beau, hein? J'aime ça. C'était La vie de voyageur, pièce traditionnelle interprétée par Les Portageux. Et tout du monde qu'on connaît. C'est plaisant. Comme je disais tantôt, Brady Cardi. Oh, tout le monde les connaît. Même le pape les connaît. Et même Igor Dzieniawski de la Pologne les connaît. Ceci dit, on parle, dans l'émission, je vous ai dit que je parlerai un petit peu de santé aujourd'hui. Oui. Au mois d'août, il y a un médicament potentiellement capable de guérir tous les virus. de l'influenza au VIH qui a été découvert par des chercheurs américains du laboratoire Lincoln du Massachusetts Institute of Technology, au MIT. Pour le moment, le Draco, ils appellent ça Draco eux autres, c'est le Double Strand, et mon Dieu, Double Strand RNA Activated Caspase Oligomerizers. Draco. Ça a été testé sur une quinzaine de virus. Il a la capacité de repérer les cellules infectées et de provoquer leur destruction sans endommager les cellules saines durant le processus. Hey, c'est-tu pas beau, ça? En laboratoire, les souris et les cellules humaines infectées par les virus H1N1 ont été complètement guéries par la substance. D'autres tests seront faits, dans les prochains mois avant d'entamer les essais cliniques. Ah ah! La vaste majorité des infections bactériennes peuvent être traitées à l'aide d'antibiotiques comme la pénicilline, découverte le siècle dernier. Cependant, ces médicaments sont inutiles contre les infections virales telles que, par exemple, la grippe, le rhume et les fièvres hémorragiques comme l'Ebola. Les chercheurs sont emballés parce qu'ils... Ça a tout sorti en même temps, avez-vous entendu? Les chercheurs sont emballés par ce qu'ils observent dans leur microscope et espèrent que leur découverte révolutionnera le traitement des infections virales au même titre que les antibiotiques dans le traitement des infections bactériennes. Les détails de ces travaux sont publiés dans la revue PLOS One, P-L-O-S One. C'est beau comme découverte. Est-ce que ça va mener à quelque part? Tu sais, on sait qu'il y a des médicaments génériques et des médicaments brevetés. Médicaments brevetés, ça vaut extrêmement cher. On achète ça, mettons, 30$. Bon, les médicaments, mais ils coûtent 15$ à faire. Là, je donne des chiffres en l'air de même, OK? Ils coûtent 15$ à faire, on paye ça 30$. Les médicaments génériques, ils vendent 25$, mais ils coûtent 3$ à faire. Voyez-vous la différence, là? C'est des chiffres en l'air, mais ça donne quand même un bon. Mais ils vont vous les vendre à ce prix-là pareil. Fait qu'il y a un énorme potentiel monétaire là-dedans et on se fait fourrer à tous les jours. Tout ça pour dire qu'on va continuer en musique. On part puis on s'en va dans les... Oh, tiens, Latino. Je m'en ai dit d'un pays chaud, mais c'est Latino. Deux belles pièces. Et on revient après tout ça. Este es un tiempo propicio para la modestia. Como toda luz al día, fuerza y claridad se manifiesta. No importa la actitud, época del año. Cambiamos el siempre domingo. En cada día otro engaño. Piel roja, tinta negra, papel blanco. Traigo el pasado presente y a tu vida les hago. Intuiciones, adivinaciones, bola de cristales. Vida efímera, conviviendo con todos los males. Ruidos a calle, está en mi jerga, mi lengua se abran. Mis bocas se escupen fuego. Mi oro que pinchan bandas sonoras por la ventana. No hay calé, no hay virgen, no hay parque. No hay nada, tú ya no sigas echando cuentas. Se te arde el durillo y más leyendas. No solo importa tu nevera y pagar letras. Tengo ni respiro, ni descanso, relajo, tregua. Sigue, sigue, menos derecho y más tuerca. Con su no reconforta. Y el cuchillo con el euro pasa cuenta. Como una balada amarga. Tiempo que está escrito, la comunidad le grita el más fuerte de los vivos. Sorpresa, un sonido que te somete. Se te mete la mente latente, ambiente envolvente. Desde la calle para la gente, vente, vente. Quien no siente, miente evidentemente. Puede que nunca te hubiera dado cuenta que a cámara lenta siempre se ve. Imagínate, incorpórate, acéptalo. Es hora de caminar y poner la mirada de frente hacia un camino diferente, gente. Mueren día a día calladamente. Personas sin papeles no ven salida a su vida legalmente. Inmigrantes encerrados en las iglesias en huelga de hambre. Dios no existe, por impago le han cortado el cable. Mega macro multinacionales, multipoderosas, multideprimentes, multicapitales, multipatriarcales, multisiderales, multicoloniales, multimilitares, multiflotadoras, multidictadoras, multimiserables, multipoliciales. Almas hasta recientes. Cultura barata, cubierta, plata, mata y ata. Amas exactas, sombras inmediatas, cien habitantes de pasta, basta. Hasta cuando cultura nefasta, plasta y en el metro y en tu casa. Manza la codiente, manipule, cansa la esperanza. Frontera con muertos de los dos lados, esto impone, descompone, vale mala para la planta que la vida negra. tenemos. ¿Están listos? El Cuarteto Patria y Elías de Ochoa. Las hermanas Ferrín y los Guanches. Listo, Pánfilo. Y la vieja trova aquí y dice así. Para ustedes, y canten con nosotros, María Cristina. Dice. Cristina me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos a la playa, allá voy. Que coge la maleta y la cojo. Que tírate en la arena y me tiro. Súbete en el puente y me subo. Que tírate en el agua. En el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar. Oye. Que no, no quiero yo. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y vamos por el río, allá voy. Súbete en la loma y me subo. Y baja de la loma y me bajo. Y quítate la ropa, me la quito. Y tírate en el río. En el río. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar. Oye. Me quiere gobernar. Que no, que no. Me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para la casa, allá voy. Me sube la escalera y la subo. Métete en el baño y me meto. Que quítate la ropa, me la quito. Que bañate, Manuel. Bañarme yo, ¿por qué? No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar. Tú ves, me quiere gobernar. No quiero yo. Me quiere gobernar. Échate pa' allá. Me quiere gobernar. Juega. C'était Maria Cristina, on l'a tous reconnu, avec Vieja Trova, Eliades Ojoa et Los Guanches de Cuba. Et juste avant ça, El Conforno Reconforta de Ojos de Brujo d'Espagne. C'est, hein? Hein? Ça grise quelque chose, hein? Ben, on s'en reparle. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Et vous êtes à l'émission Des oreilles pour écouter avec Michel Deschênes jusqu'à 19h. Oui, on a déjà la moitié de l'émission de passé. Oui, oui, la moitié. Que je voulais vous dire, c'est comme ça la vie des fois. Des fois. Parce que des fois, on dirait que ça va plus lentement. Hein? Parce que la notion du temps est pas semblable d'une personne à l'autre. Non, non, non, non, non. Une minute est très différente dépendamment de quel côté de la porte de la salle de bain vous vous trouvez. Ah, je vous jure. Ceci dit, tant qu'à être dans la philosophie, on dit que l'argent n'achète pas le bonheur. Mais c'est beaucoup plus confortable de pleurer dans une Mercedes que sur un Bessic. Tant qu'à être dans la philosophie. On va continuer en musique. C'est notre bloc jazz, blues, etc. Là, ça va être dans le jazz. Non, ils ont toujours joué. Non, la première n'a jamais joué ici. Ah, ah. Dans le bloc de la demi-heure qui s'en vient, il y a deux pièces qui n'ont jamais joué encore. Et c'est bon, hein? Alors, on va partir avec Stokelo Rosenberg. On continue avec Nathan and the Zydeco Chachas. Et on termine ça avec Guilhem Avelan. Oui? Alors, on en a pour 15 minutes. Rincez-vous les oreilles. À tantôt. Thank you. a job to do this. I tell the world I'm in love. Said I'm in love. I'm in love with you, baby. I'm so doggone in love. If a woman try to blow my mind, I said, look, you're a woman, I'm fine. I got a pretty woman sitting at home. I know that woman ain't gonna do me wrong. Hey, bonsoir tout le monde. C'est Denis Massé du groupe Les Tireux de Roche. Puis on vous souhaite une bonne émission avec Michel Deschênes avec des oreilles pour écouter. C'est bon ça? Oscar cherche un mégot cigarette ou cigare. sur les quais de la gare et au fond du métro. Quand il trouve, il s'arrête sur un banc un moment. Il sort ses allumettes et fume lentement. Les gens jettent des blondes à peine consumées. Des brunes blanches et longues, des fines à bout dorées. Mais du soir au matin, ces mégots de malheur dans sa vieille boîte en fer contre son pauvre cœur. Oscar cherche un mégot au fond d'un caniveau et dans les beaux quartiers où on le voit traîner. Parfois d'une voiture de luxe avec chauffeur tombe une belle étrangère qu'il fume avec douceur. Et les gars de l'usine, quand sonne la sirène, laisse sur le trottoir les gitanes qu'ils s'éteignent. Et du soir au matin, ces mégots de malheur dans sa vie boit en fer contre son pauvre cœur. Mais y'a des hauts, y'a des bas, y'a des bas, y'a des hauts. Oui, y'a des bas, des hauts, y'a des bas, y'a des bas, y'a des hauts. Dans sa vie boit en fer contre son pauvre cœur. Oui, baby, you don't see the Y'a des hauts, y'a des bas. Y'a des bas, des hauts, y'a des bas. Dans sa vie boit en fer contre son pauvre cœur. Hey. Y'a des bas, des hauts, y'a des bas. Dans sa vieille boîte en fer contre son pauvre cœur. Et les gamins qui fument les cigares de leur père dans les impasses noires connaissent bien Oscar. Oscar est un artiste pour suivre le fumeur dont il hume la piste en guettant son bonheur. Il est fou, il s'entête juste pour un mégot, pour une cigarette jetée au caniveau. Et du soir au matin, ces mégots de malheur dans sa vie boit en fer contre son pauvre cœur. Mais allez haut, allez bas. Oui, y'a des bas, des hauts, y'a des bas. Dans sa vie boit en fer contre son pauvre cœur. Y'a des bas, y'a des hauts. Y'a des bas, des hauts, y'a des bas. Pauvre cœur. Mais y'a des hauts, y'a des bas. Oui, y'a des bas, des hauts, y'a des bas. Dans sa vie boit en fer contre son pauvre cœur. Mais y'a des hauts, y'a des bas. Y'a des bas, des hauts, y'a des bas. Dans sa vie, boit en fer contre son pauvre cœur. C'était Oscar. Oscar, on a bien entendu Oscar, de Guilhem Avelin de la France. Juste avant ça, un très beau blues. Tantôt, je parlais juste de jazz parce que deux pièces sur toi qui étaient jazzées. Pour ça, j'ai dit ça va être surtout jazz. Donc, un très beau blues qui s'appelle I'm in Love de Nathan and the Zydeco Chachas de la Louisiane. Et on a commencé tout ça avec Body and Soul de Stokely Rosenberg Trio. Ils sont trois, lui, son frère et un autre type. Très bon. J'aime bien le style de Stokely Rosenberg. Et tantôt, je vous ai lâché une petite bourde sur l'argent. Cinq règles à se rappeler dans la vie. Donc, que l'argent ne achetait pas le bonheur, mais que c'était plus confortable de pleurer dans une Mercedes que sur un bicycle. Je vais vous en lâcher un autre et on retourne en musique. L'alcool ne règle aucun problème. Le lait non plus. Pensez-y. Rímför sarnir fúnir, dvergar ávar drögar með. Dísir völvur núlir. Ekki þrættur örfitt greg illa þangir spáði skóka loksins hundir eik eina setja snáði. Stúri brekkur stoppinn hals og fölk okkur dýðu líma völdu nandinn að laufin hengir nýðu. Hörku tröllir rauða gerinn þú sannir fóngir vegar ávað raugar með dísir valfur núnir. Skúka tröll og mynda fólk bakti sköllir næstu ströma fóttur skömmar hans steiktu stöllir næstu. Þangir skáði skúka loksir sandir eik eina setja snáði. Stundi brekkur stoppinn hans tófum okkur dýru. Íma höldu nandir að leifin hengir nýðu. Hörgum tóttir rauða gerum þau sannir frúni. Dvergar á að drauga með dísir verður núni. Skúka þóttum mynda völd okkur skallir næstu. Ströma föllum ströma það stefðist allir verstu. Sarnir fúnir, dvergar ávar drögar með, dísir völvur núlir. C'était Yano, et oui, Riao Ningarima. Je vous le garantis, c'est mon meilleur... Je sais même pas si c'est en finlandais ou en Suède. C'est en finlandais. Yannin Garima du groupe Yala Horn de la fin. C'est un mélange, un métissage de deux finlandaises et un finlandais, finlandaise et deux suédois. Et juste avant ça, c'était le groupe Vartina de la Finlande et ça s'appelait The Village Awaits the Moon. Et les Finlandais sont forts sur les voix, hein, les harmonies, etc. Ils ont des méchantes voix en plus. Donc, c'était notre petit bout scandinave. Oui, oui, notre petit bout scandinave. On va continuer dans la philosophie. Pardonnez à vos ennemis, mais rappelez-vous du nom de l'écœurant. Je l'aime bien, celle-là. Je l'aime beaucoup, celle-là. On se réécoute après tout ça. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Et vous êtes à l'émission Des oreilles pour écouter avec Michel Deschênes jusqu'à 19h. Et, c'est sûr, tantôt, je vous parlais de bradycardie, j'aurais bien aimé ça vous en faire jouer, mais le disque est tellement bon, on se l'arrache et moi, la copie que j'ai à maison, on s'en va à gauche, à droite pour faire entendre ça à plein de monde. Et, procurez-vous donc la vôtre, hein? Votre copie de bradycardie. C'est pas cher, c'est de très bonne musique, c'est très varié comme style de musique et de sonorité. Vous allez voir, c'est... Donc, plutôt, vous allez entendre. D'ailleurs, on a des oreilles pour écouter. Hein? Bon. Petite nouvelle scientifique et de santé ici, rattachée à la santé, c'est les sciences et de la technologie. Une société norvégienne spécialisée dans les énergies renouvelables entend tirer parti d'un phénomène bien connu des physiologistes, l'osmose, pour produire de l'électricité. Et ce, grâce à une membrane séparant un réservoir d'eau salée d'avec un autre d'eau douce. Après 10 ans de recherche, a été publié en 2008, Statkraft a commencé la construction du premier prototype de centrale à pression osmotique au monde, à l'embouchure d'une rivière du sud-est de la Norvège. La membrane semi-perméable laisse passer les molécules d'eau, mais pas celle du sel, plus grosse. Par osmose, l'eau douce est naturellement aspirée par l'eau salée à travers la membrane, comme cela se produit dans les cellules vivantes. Elle fait ainsi monter la pression dans le réservoir d'eau salée jusqu'à équilibrer la pression osmotique, une propriété qui dépend de la différence de concentration en sel entre les deux milieux. Dans cette centrale, la pression osmotique fera que 80% à 90% de l'eau douce traversera la membrane. L'eau salée ainsi pressurisée permettra de faire tourner une turbine pour produire de l'électricité. On va faire tourner une turbine par osmose. Pensez-y. On part dans la dernière demi-heure de musique. On va avoir quasiment 19 minutes de musique, 18 minutes 50 pour être précis. On va être au Québec, aux Indes, au Mali et au Pakistan. Mais c'est de la musique métissée pour les deux derniers. Alors, non, pas pour les deux derniers. Non, le dernier, c'est la musique métissée. On part avec de très belles voix au Québec ici. Et on revient après tout ça, à tout tantôt. Je me déplace encore. Je voyage entre deux temps, l'imaginaire et le présent. J'avance toujours tout en jonglant mes corvées, mes jeux d'enfant. Ce n'est pas évident de rêver les yeux ouverts grands quand la réalité avale ton temps. J'aurais besoin de quelques instants. Donnez-moi juste un moment ralenti, que je me replonge dans l'état de songerie. La tête dans les nuits, je regarde passer ma vaste collection de rêves insensés. Oh, quand viendra le jour promène dehors, mais même tout éveillé, je dors. Le monde tourne vite, puis moi, je traîne la patte. Emporté par le fil de mes pensées, je n'aperçois plus le temps couler. J'occuperai bien ma vie perdue dans cette bulle d'idéalité. Mais combien de temps pourrais-je voler avant qu'on ne vienne me la trouver. Donnez-moi juste un moment ralenti, que je me replonge dans l'état de songerie. La tête dans les nuits, je regarde passer ma vaste collection de rêves insensés. fixe que vous allez entendre est payé par Momoplate. Nous vous présentons cette semaine le fixe chaussette spécial pour cul-de-jatte. S'accroche sur les omoplates et permet de faire tenir les chaussettes sur les avant-bras sans que celles-ci s'y glissent jusqu'au panier. Momoplate, le goût de faire tenir le tout. reste à l'émission des oreilles pour écouter avec mon oncle Michel Deschênes. Et ce, jusqu'à 19h. Et en plus, vous êtes sur C'est Fou 89,1 FM sur le campus de Trois-Rivières. La pièce s'appelle Tabou. On entendait les coups de feu en arrière, ça se passe au Pakistan. Et dans tous ces pays-là où il y a toujours des guerres qui se trament, c'est une pièce, on entendait le chanteur Nusrat Fateh Ali Khan, et c'est fait par Peter Gabriel, tout le montage est... oui, c'est ça, c'était édité sur l'étiquette de Peter Gabriel a sorti, Various Artists, c'est Real World. Très belle pièce. Donc, c'était Tabou. Juste avant ça, Tafa Niang, avec Too Many Diabaté, on entend la coro au début, et And the Symmetric Orchestra. Celui qui chantait dans ça, entre autres, Moussa Niang, lui vient du Sénégal. Too Many Diabaté vient du Mali. Et Moussa Niang vient du Sénégal. Il chante en Wolof. Et c'est ce que je trouve de particulier à cette langue-là, c'est que c'est une langue qui est parlée par plusieurs communautés à l'intérieur de l'Afrique. Alors qu'ils parlent leurs langues respectives, sont très différentes. Ils ont une langue commune pour plusieurs. Pas, je dis pas pour tous, mais peut-être pour tous. Mais je sais que plusieurs peuvent se parler en Wolof. C'est bon, hein? Si on avait une langue universelle, pas l'anglais, une langue universelle. Et c'est ça, il reste quasiment plus de temps, mon Dieu Seigneur, je voulais tout dire en même temps. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Ah oui, tantôt, j'ai eu une petite chose. Il se demandait pourquoi je parlais aussi souvent de bradycardie. Parce que, comme je disais, c'est très diversifié. Moi, je trouve ça très bon à comparer à certains autres qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je trouve ça un peu drabe. Alors, je trouve ça regrettable que même s'ils sont en nomination pour Art Excellence, on les entende pas beaucoup à la radio, à d'autres radios comme Espace Musique, pour pas les nommer. Et trop tard, je l'ai dit. Et c'est ça. Alors, dans la semaine qui s'en vient, le 5 octobre, c'est la fête à Alexander Keith. Alors, pour ceux qui aiment la Keith, au Nord-Ouest Café, dès 20h, il y a des festivités entourant ce bonhomme qui a inventé cette bière-là. Alors, les amateurs de bière se rendront au Nord-Ouest Café pour 20h le 5 octobre. Le 6 octobre, toujours au Nord-Ouest, danse Laurie. Danse au Nord-Ouest Café, toujours. C'est un groupe. Il paraît que ça swing pas mal. Ça va bouger. 10$ à l'entrée, 21h. Le 7 octobre, à 20h30, un Off Festival le Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Il y a un Off, le Iron Slam au Café Galerie, le Maudit. Eh oui, sur la rue Champlain au 1538, rue Champlain à Trois-Rivières. Le 8 octobre, East Road and the Lemming Ways au Broadway Pub à 20h30. Et n'oubliez pas le 16 octobre au Salon de concert, musique traditionnelle celtique franco-canadienne pour violon, ainsi que des chansons françaises et en gaélique. Sur réservation, 819-371-1863, 371-1863. Et moi, je vous laisse sur cette belle pièce du Brésil. On s'en va au Brésil. On a fait le tour du monde aujourd'hui et la semaine prochaine, on va recommencer. C'était Michel Deschênes pour l'émission Des oreilles pour écouter qui va vous revenir dimanche prochain de 17 à 19h. Tous ceux qui sont à l'écoute, portez-vous bien. Ceux qui ne sont pas à l'écoute, portez-vous bien quand même. Je vous le souhaite. On part avec Dalata, on s'en va au Brésil, pour la pièce Rio Vida. Donc, à la semaine prochaine. Na fuga da tarde, na beira do rio, me banho nos teus olhos, na beira do rio, na calma da noite, na beira do rio, descubro os teus passos, na beira do rio. E só ter tempo de dizer que rio me carrega pra você. E só o que eu quero é me perder na calma da noite, na beira do rio. Me banho nos teus olhos, na beira do rio. E só ter tempo de dizer que o me carrega pra você.